Bienvenue à cette conférence du mercredi, ayant pour titre, pour dire ça, ce sera ballon, du neuf dans la conscience supramentale. Y en a-t-il encore du neuf à aller chercher dans la conscience supramentale? Et tu m'as demandé de répondre seulement aux questions qui avaient de l'allure, alors je ne réponds pas. Est-ce que tout ce que tu as déjà dit dans les conférences antécédentes, il y en a plus que, je sais pas, 500 quelques maintenant. Est-ce que tout n'a pas été dit? Est-ce que tout n'a pas été dit? C'est ça, tout n'a pas été dit. Il en reste encore beaucoup? Beaucoup. On va essayer d'en trouver un peu ce soir. Ça va être un peu. Une heure, ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut être utile? Ce qui reste de neuf, en réalité, c'est pas tellement important. Ce qui peut être utile, par contre, c'est ce qui reste de neuf qu'on n'a pas encore appris ou compris, que tu n'as pas encore descendu, si on veut, au niveau compréhensible. Oh, ben, y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une nuance, évidemment, entre apprendre une chose et comprendre une chose. Donc, c'est important de comprendre. De temps en temps, on peut ramener du vieux, mais le vieux devient du neuf parce que de l'apprentissage, il passe à la compréhension, donc ça n'a pas la même valeur. C'est pas la même chose. Et puis le neuf, on peut amener du neuf aussi pour expliquer des mécaniques qui font partie de la conscience humaine, qui font partie de la conscience évolutive, qui font partie aussi de l'historicité, enfin qui font partie de l'histoire de l'homme, qui font partie de sa démarche pour parvenir à une conscience plus globale, une conscience qui englobe non seulement ce qu'il est, mais qui englobe aussi ce qu'il a été et ce qui, pour lui, il va devenir. Dans la pratique, dans la vie quotidienne, ce que les gens vivent, la majorité, je dirais, qui sont en conscientisation d'une façon ou d'une autre, ce sont des problèmes financiers, personnels, de séparation. Ce ne sont pas des problèmes, ce ne sont pas des problèmes. C'est pas un problème d'être pauvre? Non, parce que l'humain... D'être malade, de se séparer, c'est pas un problème. Mais non. C'est quoi si c'est pas un problème? Ben, c'est pas un problème. Qui est malade? Qui est séparé? Séparé de quoi? Il ben, y a des couples qui se défont, il y a des gens qui avaient de l'argent qui en perdent. Ah, ben ça dépend, OK, oui, c'est sûr. Si on décide que le couple est plus important que les individus, alors là, il y aura un problème. Ben, ça dépend du point de vue. Moi, je partais du point de vue que l'humain était important puis que l'humain était beaucoup plus utile et utilisable et important que le couple, que le corps physique, que son portefeuille, son compte en banque. Ah ben, c'est une vision humaine que tu m'amenais. Oui, c'en est une. Ça, oui. Bon, d'une vision humaine, effectivement, oui, quand le compte en banque n'est pas à la hauteur de ton désir psychologique, il y a un problème. Ou quand ton compte en banque est trop haut pour la vision psychologique de tes amis, ah oui, c'est un problème. Alors, si on veut parler du problème, on va parler sans arrêt. Alors, j'aimerais mieux qu'on parle des solutions que des problèmes. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ah, oui, tu compris. OK, on arrive. C'est bien, on n'arrête pas, il y a encore beaucoup de choses à amener. C'est une vision, des problèmes. Mais ça ne donne rien de le comprendre ou de l'apprendre. Ça ne donne rien de concret, de pratique, si on sait que c'est... Qu'est-ce qui est concret puis pratique? C'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire par concret et pratique? Bien, ça devrait être intelligent de pouvoir avoir ce qui nous est nécessaire en termes d'argent, d'énergie financière ou d'énergie familiale. Mais on l'a? On ne l'a pas nécessairement. On l'a toujours? Si on descend à un seuil, si on perd, on perd, on perd, on perd... On ne perd pas? Mais comment on perd pas? On perd des êtres qui nous sont chers ou on perd... Non, on perd pas des êtres qui nous sont chers. Parce que moi, je suis ce que je suis, il faut que j'empêche tout le monde de s'en aller. Non. Donc, s'ils partent, ils partent. Est-ce que je perds quelque chose? J'ai rien perdu. Mais pourquoi il y a de la bisbille, il y a des chicanes qui se font à cause de la conscientisation. Pourquoi dans un couple, par exemple... C'est un mot supramental à retenir. Bisbille, c'est pas supramental. Oh. Non, je l'ai appris dans un dictionnaire. C'est en deux mots. Oui, ah bon? Et bisbille. C'est deux billes. Pourquoi il faut absolument vivre des problèmes? Non. Ben, pourquoi on a envie? Non peut-être plus. Qu'il ne faut pas en vivre absolument, mais pourquoi on a envie? On n'en vit pas. On n'a pas envie. Non, personne n'en vit les problèmes. On en vit. Et non pas on en vit. Ah. Pourquoi vit-on des problèmes? Non, on parle d'amener du neuf dans la conscience humaine, donc du neuf au niveau de la conscience supramentale, où on fait la vision que l'humain a. Et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, il faut faire attention, c'est parce que si les personnes qui assistent ou qui écoutent la conférence et qui ne sont pas ici pensent qu'on va amener du neuf dans la conscience supramentale, c'est qu'ils ont déjà une idée du neuf, de fait. Donc, ce qu'ils s'attendent, c'est que j'amène du neuf égal au vieux qu'ils veulent que j'amène. Autrement dit, si tu t'attends à avoir une nouvelle fleur, tu vas dire, je vais avoir une nouvelle fleur. Je peux t'amener une fleur fanée, c'est une nouvelle fleur. Là, tu vas dire, ben, c'est pas ça que je voulais. Je vais amener du neuf ce soir, oui, mais du neuf aussi dans la façon dont on brise les formes, mais pas nécessairement en l'expliquant, mais en le faisant. Ah, c'est du neuf. Bon, je peux amener du neuf dans la façon aussi que, dans la façon qu'on peut donner de l'information à l'ego, mais pas en expliquant comment, en le faisant. Ah, c'est du neuf aussi. Et ça va frustrer l'ego, peut-être. Tu me parles de problèmes. Si on voit la vie de l'humain d'une façon différente, si on cesse, bon, si l'humain a tant de problèmes, comme tu le dis, c'est faux, mais disons, si l'humain a tant de problèmes, c'est qu'il ne peut pas les régler. S'il ne peut pas les régler avec la vision qu'il a, changeons de vision, si on veut trouver des solutions, hein? Est-ce que changer de vision va arrêter d'amener des problèmes? Ben, en tout cas, changer de vision, ça va être déjà plus plaisant. Parce que depuis le début, depuis quelques milliers d'années, l'humain a une vision très particulière de ce qu'il est. Et sa vision, non seulement lui fait croire qu'il y a des problèmes alors que les problèmes n'existent pas, sa vision lui fait chercher des solutions. C'est dur de trouver des solutions quand il n'y a pas de problème. Alors, il passe du temps et du temps à chercher des solutions. Il en trouve une, il veut l'appliquer, mais vu qu'il n'y a pas de problème, nécessairement, ça fonctionne mal. Et de temps en temps, il y a des choses que l'humain pense que ce sont des problèmes qui se règlent d'elles-mêmes. Mais si on garde la vision humaine de l'humain, ben on aura ça comme l'adolescent qui a une vision adolescente de l'adolescence. Qu'est-ce que c'est sa vision? Ben les parents, c'est des soucis. Bon, puis le système est pourri, puis etc. Ben, c'est quoi la solution pour un adolescent quand tu as une vision d'adolescent? Tout détruire! C'est ce que l'humain fait souvent. L'humain, il se dit, oui, mais pourquoi Dieu intervient pas? Pourquoi les extraterrestres n'interviennent pas? Pourquoi c'est pas mieux fait? Pourquoi qu'on n'a pas, selon nos désirs? Il serait plus intelligent si... Ben, c'est ce que l'adolescent dit aussi. Mais l'adolescent vit une forme de problème, comme tu l'expliques, lui, face aux adultes. Il n'y a pas de problème. Pour lui, de son point de vue, lui, il y a un problème. Oui. C'est le reste de l'univers qui n'a rien compris, puis lui, il voudrait faire changer ça. Est-ce que au moment où on est... Est-ce que c'est toute notre vie comme ça? Est-ce que pendant toute la vie, on va penser qu'on a un problème? Attention, c'est pas notre vie. C'est encore une vision humaine. C'est la vie de qui? C'est pas la mienne ou la nôtre? Ben, c'est... Tu l'as acheté où? Je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Qui? Mes parents. Ah oui? Ah oui. Tu l'as donné? Ben, il y a quelqu'un qui a fécondé un corps. Ah, il n'y a pas un humain sur la planète qui donne? Mais l'ont prêté, peut-être? Ah, même pas. T'as pas eu le choix. Ils appellent ça des accidents, puis maintenant, les personnes, ils pensent tellement que c'est leur vie qu'ils ont inventé les moyens de contraception pour cesser d'en donner. Est-ce qu'ils pensent que c'est eux autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a transmis, cette vie-là? Qui? Ben, mes parents, ceux qui m'ont fécondé. C'est ça le problème, c'est ça la vision humaine des choses. Quand on a une vision humaine des choses, on fonctionne à partir de la tradition. Il y a beaucoup de choses. L'idée n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. L'idée, c'est de comprendre que si on ne peut pas changer de point de vue de temps en temps, eh bien, nécessairement, on n'arrivera jamais à trouver des solutions. Parce que quelles sont les solutions que l'humanité applique depuis le début, les solutions que l'humanité a toujours appliquées? Vu qu'on a le même point de vue que nos ancêtres, on applique encore les mêmes solutions que nos ancêtres. Alors, on pense qu'on va régler les problèmes de guerre en s'armant plus. On pense qu'on va régler les problèmes de guerre en se désarmant. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, ce n'est pas la solution. On pense qu'on va régler le problème de la jeunesse en mettant plus de discipline, en autant. Ben, ça, c'est fait régulièrement. On pense qu'on va éliminer le problème de la vie en se droguant, en buvant ou en jouant du sexe ou en écoutant de la musique. C'est tout ça que c'est fait aussi. Bon, on pense qu'on va régler le problème des dieux, le problème des religions, en magasinant d'une religion à une religion, d'une secte à une secte, en faisant du yoga. Hein? Bon, ben, il y a eu des époques sur la planète où ça, tout le monde yogotisait. Après ça, on s'écœurait, on avait des mal de dos, etc. Et puis, on arrêtait, on venait au matérialisme, et puis là, on buvait, on se saoulait la gueule. Puis après quelques vies dans le matérialisme, eh bien, on se dit, c'est peut-être à cause qu'on a là, on a perdu la vie spirituelle. Fait que là, on s'en relance dans la vie spirituelle. Et puis, ça fait des sociétés très spirituelles qui se laissent détruire par des tremblements de terre, qui prient pour que Dieu répare les maisons pendant que les maisons tombent. Après, à un moment donné... problème. Après, à un moment donné, ben, l'individu, il finit par se dire, le spirituel, ça donne pas de résultats, c'est ceci, c'est cela. Ben là, il retourne encore dans la matière. Puis... Si on change pas le point de vue, si on n'est pas capable d'amener un point de vue neuf, ben, on ne sera jamais capable d'amener des solutions neuves. Puis si on entend parler de solutions neuves, on ne pourra jamais les appliquer. Pourquoi? Parce qu'on prend un truc qui rentre dans un machin à quatre trous, et puis le problème qu'on voit, ben on voit juste trois trous. Fait qu'on essaie d'enligner trois pins là-dedans, puis ça ne fonctionne jamais. Mais est-ce que la solution est illusoire, vu qu'il n'y a pas de problème? Bien, la solution au problème n'est pas illusoire. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'illusion, ton problème devient réel. Si tu penses avoir mal aux dents, ben tu prends une pilule que tu penses que ça va t'aider. Bon. Enfin, je parle plus fort, je pense. Ah, c'est... Puis nous qui vont dire c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a une solution? Ben, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de solution. Ben non. Je ne parle pas plus fort. Ben, je ne parle pas plus fort non plus. Je vais attendre. Elle va parler moins fort. Bon. L'homme atteint du neuf uniquement parce que l'homme veut conserver la vision vieillotte qu'il a de la vie, de l'évolution, de l'amour, de l'affection, des problèmes. Il veut conserver ce qu'il considère être lui et il espère qu'on va être capable d'amener quelque chose de neuf pour pouvoir lui permettre d'éliminer dans le vieux ce qu'il veut plus et de conserver dans le vieux ce qu'il veut. Mais si je dis qu'une des solutions fondamentales à la problématique de l'humanité ou d'une humanité qui est conscientisante, c'est de changer la société, tout le monde va dire « Hey, voyons donc, c'est pas applicable ça ». Mais non, c'est évident, personne ne veut changer la société. Si je dis à un être humain, tout ce que tu as à faire pour être, pour t'en sortir, c'est de t'en sortir. Ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? C'est comme de dire à un père, tu aimes ton fils, ben tu as juste à lui dire que tu l'aimes. Ça ne se fait pas comme ça. Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je vienne te conter? Là, il faudrait que je t'explique toutes les inhibitions de l'ego, les inhibitions du monde astral, les inhibitions de la psychologie, le fait que tu as vu ton père évoluer d'une certaine façon, tu as fini par croire, par prendre son point de vue, puis te dire que c'est comme ça aussi. À un moment donné, un vrai mâle, ça pleure pas, ça dit pas que ça l'aime. Ça dit quand ça l'aime pas, à place. Puis on a tout un stéréotype, un archétype. C'est-tu bon pour couper des fils? Et puis, on a un paquet de choses dans le genre, et puis à un moment donné, bien, on voit un problème. Le père va avoir un problème, il ne peut pas communiquer avec son enfant. Mais est-ce qu'il y a un problème? Entre vous et moi, est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi la solution? Communique! C'est la solution. Ce que tu me demandes peut-être, c'est de parler suffisamment longtemps pour que le bonhomme puisse passer le temps à s'occuper en m'écoutant jusqu'au jour où il sera capable d'appliquer la solution que j'aurai décrite pendant 20 ans. C'est ça, mais en attendant, est-ce qu'il n'y aura pas eu... Mais non, il ne faut pas attendre. C'est ça le problème. En attendant, pourrions-nous cesser d'attendre? Applique. Eh oui. Ouais. Mais comment t'appliques? C'est pas évident. Mais quand... oui, c'est évident. Non. Quand t'as un problème réel... T'as pas de problème réel. OK, il y en a pas. Non. L'adolescent... Ton grand-père a déjà eu un problème réel. Oui. Ton grand-père est mort. Ce problème réel... Qu'est-ce qu'il avait à foutre dans sa vie? Est-ce que c'était un problème réel? Ben de mourir, c'est pas nécessairement un problème. Je parle avant, là. Mourir, c'est même pas été un problème pour lui. Et c'est la seule chose qu'il a réussi à faire, d'ailleurs, sans effort. Mais je te parle de d'autres choses avant. Toute sa vie, il s'est arrêté, il a sécrété, hein, il a émis de l'émotion, il a crié, il a gueulé, il a pleuré, il a eu peur, il a eu honte, il a été joyeux aussi, bon. Mais on parle des problèmes. Et tout ça au complet, ces problèmes réels, ça l'a changé quoi dans la vie, dans ta vie? J'en ai aucune idée. Mais ça n'a rien changé non plus. Puis le bonhomme, le grand-père, sur son lit de mort, il est pas mort sur un lit, bon, ben disons, en tout cas, sur son lit de mort, s'il regarde toute sa vie au complet et qu'il s'arrête à tous les problèmes qu'il a eu, ben il peut se rendre compte qu'il s'est fait avoir comme il faut. Mais est-ce qu'il faut se foutre du problème? Il n'y a pas de problème! Bon, ben il y en a pas, OK. Ben, plus de problème. Mais il n'y a pas de problème. Prouve-moi qu'il y a des problèmes. T'appelleras mon Gérard Bach, demain tu expliqueras ça. Mais non, mais dans sa vision, lui, il voit des problèmes, il a peur, et puis c'est même pas son argent, c'est même pas sa banque, il perdra même pas son emploi, puis en plus, il perd son emploi, il perdra pas la vie, puis s'il perd la vie, il perdra pas la conscience, puis il perdra pas la conscience, donc il n'y a aucun problème. Si tout le monde, demain matin, à travers le globe... Tu vois encore, demain matin! OK, à soir, si tout le monde t'entend... Non, mais on fait des farces, mais c'est exactement ça le problème. Ben, il n'y en a pas de problème. Voilà le problème. C'est votre problème, effectivement, il n'y a pas de problème, c'est ça. Sauf que moi, ce que je veux te dire, c'est... Tu as raison quand tu dis qu'il n'y a pas de problème. Je suis totalement d'accord. J'espère que tu vas me dire que j'ai raison. Tu m'as convaincu. Si tout le monde, immédiatement, disait, comme il n'y a pas de problème, on ne cherchera pas de solution... Mais non, le monde ne va pas dire ça, vu qu'il n'y a pas de problème. Mais quelle sorte de vie on aurait demain matin? Il n'y a personne qui trouverait à solutionner les non-problèmes de transport en commun. Il n'y a personne qui trouverait à solutionner les non-problèmes d'engorgement dans les hôpitaux. Il n'y a personne qui trouverait à solutionner aucun des problèmes, puisqu'il n'y en aurait pas. Mais il n'y aurait pas non plus, parce que les gens, il n'y aura pas le problème d'être malade, il n'y aura pas d'engorgement dans les hôpitaux. Le monde, il n'y aura pas de problème de faire des grèves, il n'y aura peut-être pas de problème de transport en commun. Il n'y aura pas de problème. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit cesser de... On doit changer un peu la vision des choses. Bon. De temps en temps, vous savez, on se considère trop vieux, hein, trop vieille, pour pouvoir oser imaginer le monde comme un enfant le ferait. Et là, on va dire, tiens, à soir, on va imaginer le monde comme un enfant l'aimerait. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. À soir, il faut imaginer le monde comme nous l'aimerions. Mais parce qu'on est encore pris dans ce que tu appelles les problèmes, eh bien, on va dire comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'on s'interdit encore d'être simplement ce qu'on est. On est toujours en train de mettre de côté à peu près tout ce qui nous constitue. Le problème, il n'y en a pas. C'est un mot intéressant qui désigne quelque chose, qui désigne un empêchement. Si on se place dans la vision des problémateux, bien, nécessairement, il y a plein de problèmes. Tu me dis, bon, la société, si du jour au lendemain, personne n'a de problème. Personne n'a de problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision sociale puis la vision de l'humain change. Mais dans ce que tu me décrivais, la vision n'a pas changé, les gens ont juste décidé qu'il n'y a plus de problème. Il n'y aura pas de problème non plus. Même si les gens ne comprennent pas, il n'y en aura plus. Celui qui va aller pour, disons, se faire opérer, et puis qu'on va le mettre sur la liste d'attente pour dans 6 mois... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il va peut-être mourir. C'est pas un problème. Oui, mais mourir là ou mourir dans 15 ans? Ça fait que ça, c'est pas un problème. Non. Ben, c'est un problème pour sa vie. Non. C'est pas il sa vie. Il risque de vivre beaucoup plus longtemps s'il cesserait de penser que c'est un problème. La majorité des maladies proviennent du fait que la psychologie détériore le corps physique. Parce qu'on connaît aujourd'hui l'incidence du stress, bon, on connaît l'incidence de tellement de facteurs psychologiques. On parle du mal de société, on parle du manque d'aération. Ben, crime, les gens travaillaient dans les mines avant, puis ils vivaient aussi longtemps qu'ils travaillaient dans les bureaux. Ah, ils mouraient avec les poumons tous noirs, ici on meurt avec les poumons différemment. On sort les gens des mines, ils se mettent à fumer. Bon. Puis ils écrivent avec des crayons à mine. Ouais, bien ça, c'est moins pire, ça coule pas. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme considère toujours qu'à partir de où il est rendu. Il faut comprendre une chose. On se dit, oui, mais présentement, moi, là, abîmé comme je suis abîmé, là, il ne faudrait pas que les médecins décident qu'il n'y a plus de problème, qu'ils ne rentrent pas travailler parce qu'il faudrait qu'ils m'opèrent. Bon, mais s'il n'y a pas de problème, si la vie au complet, dans la saveur, dans la valeur, et c'est très, très, très applicable ce que je dis là, on n'a pas besoin d'attendre que toute l'humanité comprenne. Si tu as mal à une dent, as-tu un problème? Oui, j'ai mal à une dent. Mais non, tu n'as pas de problème. Mon corps physique a un problème, j'ai mal à une dent. Même pas! Ah, c'est qui que... Je te réveillerai à 3 heures du matin pour te dire ça. Quand t'as un mal de dents qui te réveille à 10 heures du matin, t'as pas de problème. Non. T'as un mal de dents. Oui. Puis un mal de dents qui t'empêche de dormir, c'est un problème. Non. Ben, c'est un empêchement de dormir. Mais quand t'écoutes ta télévision jusqu'à 10 heures du matin, tu dors pas, est-ce que c'est un problème? Non, c'est plus intéressant que d'avoir mal aux dents. Ah, et voilà. Et c'est ce qui est le problème. C'est ça qui est pas de problème, je comprends. On va trouver un mot plus intéressant, mais c'est ça qui est l'empêchement. C'est pas un problème, mais en même temps, c'est même pas un empêchement. Parce que j'essaie de te répondre dans la vision que tu m'amènes, et c'est de temps en temps, c'est embrouillé un peu. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir les choses d'une façon neuve. On doit se voir d'une façon neuve. Bon, on a vu à travers les conférences, à travers le séminaire, que l'être humain n'avait pas de libre arbitre. On a vu ça. Ouais. Il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est un maudit problème. Mais non, c'est un problème, tu peux rien y faire. C'est un problème. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir de libre arbitre ferait en sorte qu'on devrait abandonner tout ça, les problèmes, pas les abandonner, ils ne nous appartiennent pas, on n'en a pas, puis dire, bon, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais de problème. Non, se foutre de tout. Non, tu l'as presque et tu ne l'as pas. Est-ce qu'on devrait abandonner tout ça? OK, oui, s'en détacher. Et se dire que, mais non, là, tu te mets à jouer. Tu ne dois pas te dire, bon, je vais me dire que j'ai pas de mal aux dents. Présentement, s'il y a une douleur ici, elle est enregistrée par ton cerveau, ça va de soi. Mais qu'est-ce que cette douleur-là vient changer réellement dans ta conscience, dans ta vraie vie? C'est comme si tu dis, bon, à un moment donné, je faisais une émission de télévision aujourd'hui, et puis quand je suis rentré, bien, j'avais comme une vibration qu'un projecteur tomberait. Et puis... J'ai découvert pourquoi je ne gagnais pas la loterie, parce que quand j'achète un billet, je pense gagner gros, puis je gagne toujours petit. Mais ça m'a sauvé un peu, là, parce que c'est pas un projecteur qui est tombé, c'est un petit morceau de plafond qui est descendu lentement, puis qui m'a tiré direct sur ma tête. Alors, il fallait couper, puis recommencer. Si moi, je me dis, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que là, à un moment donné, là, mon ego est totalement frustré, noir, parce que les caméramans ne sont plus capables de tenir leurs caméras. La personne qui m'interview quand ça allait, je l'ai senti atterrir sur ma tête. Moi, je me suis dit, si c'est de l'eau, personne ne sait, ça ne dérange pas, on va continuer. Là, la personne qui est en face, elle fait MC. Puis là, elle se contrôle. Alors, j'ai vu qu'il y avait une minifisation complète dans son visage. Alors, je me suis dit, ça paraît. Ce qu'il y a dans la tête. Quand j'ai vu le régisseur sortir de sa boîte, là, j'ai dit, bon, ben, ça paraît certain, parce qu'il a même cessé d'enregistrer. L'ego, normalement, chez l'humain, qui voit toujours les choses en fonction de la valeur du personnage qu'il veut émettre, aurait vu le problème. Je connais, moi, des artistes qui se sont frustrés pour beaucoup moins que ça. Et j'en connais plein qu'il ne faut même pas nommer leur nom parce qu'on les aime à la télévision, parce que le personnage qu'ils émettent est intéressant, mais quand tu les rencontres en studio, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, bien, la petite nouvelle qui m'est tombée sur la tête, c'est exactement comme un mal dedans. 5 minutes après qu'elle soit tombée, puis qu'on avait recommencé la prise, il n'y a plus de problème. C'était dans le passé, c'était oublié. Ça veut dire, oui, mais tant que ça tombe, tant que c'est sur ta tête, c'est parce que tu t'attaches à ça que ça devient un problème pour toi. Est-ce qu'un problème est un problème parce qu'on lui donne de l'importance, tout simplement? Uniquement parce qu'on y croit. Uniquement parce qu'on y attache. Parce qu'on s'attache à lui. Puis là, l'humain va dire, oui, mais c'est facile de dire ça, mais quand ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Mais est-ce que c'est un problème? Non. Est-ce que ça mérite que tu deviennes totalement un animal? Non. Est-ce que ça mérite que tu oublies totalement qui tu es? Non. Est-ce que ça mérite que tu continues à vivre? Non. Est-ce que ça mérite que tu te fasses arranger dedans? Oui. Mais c'est pas un problème. Oui, mais s'il n'y a pas de dentiste, c'est où le problème? Quand j'étais dans la jungle, j'en ai vu moi des ici. Bon, puis j'en ai vu des personnes qui se promenaient avec des ici. Et puis ces personnes-là, il n'y a pas de dentiste dans la jungle. Ben, il n'y a pas de problème. Il y a mal aux dents, mais il n'y a pas de problème. Ils chassaient pareil. Ils mangeaient des trucs pour endormir la douleur. Quand il n'y en avait pas, ben, ils souffraient là. Mais dans leur conscience, il n'y a pas de problème. Sauf que leur conscience, pourquoi il n'y a pas de problème? C'est que leur conscience n'est pas assez évoluée. Conscience n'est pas assez en expansion. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un problème. Mais notre problème... Mais bon! Il n'y a pas de problème. C'est pas justement qu'on est en phase d'évolution puis de conscientisation plus que d'autres peuples ou d'autres gens qui vont être eux qui en attacheront pas d'importance à un mal de dents. Mais le mal de dents ou n'importe quel autre problème, au moment où on le vit, on lui donne une certaine importance parce qu'il nous dérange. Si on arrête... Il ne nous dérange pas. Bien, si on en fait abstraction, est-ce qu'on n'est pas défaitiste ou... Non. Inintelligent, selon moi, c'est pas intelligent d'endurer un mal de dents parce que j'ai un mal de dents, puis finalement, c'est pas un problème. On va regarder par exemple quelque chose. On va dire le prêtre qui voit que la maison brûle et qui dit à ses fidèles, bien, venez prier pour que le feu s'éteigne. On va dire, c'est comme se faire fi du problème. Ce serait bien mieux de dire, ramasser des chaudières, on va prendre de l'eau et on va éteindre le feu. C'est ça. Bon. Sauf que dans la réalité des choses, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que bon, la religion sert absolument à rien parce que finalement, c'est pas en priant que ça change grand-chose. Ils ont raison. On éteint plus de feu avec de l'eau qu'avec la prière. Ça va de soi. Par contre, est-ce qu'il y a eu moins de feu parce que les gens ont prié? Ou s'il y a eu moins de feu parce qu'on avait éteint les autres avec de l'eau? Bon. Est-ce qu'il y a moins de tremblements de terre parce que l'on prie? Ou est-ce qu'il y a moins de dégâts dans un tremblement de terre parce que l'on prie? Ou est-ce qu'il y a moins de morts parce qu'on a prié? Ou s'il y a moins de dégâts parce qu'on construit mieux? Ou est-ce qu'il y a moins de dégâts parce qu'on a de morts parce qu'on a de meilleure médecine? Bon, il y a un paquet de personnes qui vont dire c'est parce qu'on construit mieux. Mais qui a amené la conscience de construire mieux? Peut-être la prière. Qui a amené la conscience d'améliorer la médecine? Peut-être la prière. Qui a amené le savoir neuf que l'humain avait besoin? Peut-être la prière. Sauf qu'il y a beaucoup d'humains qui prient uniquement pour régler leurs problèmes. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réponse non plus. La vision que l'homme doit avoir de lui-même, c'est une vision qui est... Bon, on en a parlé souvent de comment était constitué l'humain. Et parce que c'est important de briser des formes dans l'ego de l'humain, dans l'âme de l'homme, de façon à libérer, de façon à faire en sorte que plusieurs parties énergétiques de sa constitution se relient pour qu'il devienne puissant, pour briser ces formes-là, on doit souvent rentrer à coups de masse. Bon, il y a aussi une autre façon maintenant qui peut permettre de briser ces formes-là, qui est une façon beaucoup plus chaleureuse, c'est le cas de le dire, simplement que tu augmentes la chaleur interne de l'âme, et augmentant la chaleur interne de l'âme, tu détruis les petits murs qui empêchaient les parties énergétiques de se relier. Prends un exemple, tu as une ruche, et dans la ruche, il y a beaucoup de petits trous, et il y a du miel là-dedans. Si on dit, pour avoir la dose d'énergie suffisante pour s'en sortir, il faudrait que tout le miel au complet se touche. La constitution humaine fait que dans son processus de réincarnation, eh bien, il y a un rayon de miel qui vient, un truc de miel qui vient là. Ça, c'est une mémoire particulière, peut-être, de quelque chose, bon, disons, un marin. Un autre qui vient là, c'est une mémoire de musicien. Un autre qui vient là, un autre qui vient là, un autre qui vient là. Et ça, ça constitue l'ego. Ça constitue l'humain. Mais là, ce qui arrive, c'est que chaque petite parcelle est toujours en train de percevoir, de vibrer qu'elle est puissante, qu'elle est grande, c'est-à-dire qu'elle est... on est une gang en soi. Mais en même temps, elle peut communiquer avec personne. Tout ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, on fournit un micro, puis le micro est tout petit, puis le micro passe devant un des petits rayons de miel, et puis la mémoire qui est là, elle dit « bœuf ». Bon, le micro continue, l'autre mémoire qui est là, elle entend « bœuf », puis elle dit « crime, j'ai pas dit « bœuf », puis elle dit « quoi ». Fait que là, ça revient à l'autre, il dit « comment, quoi ». Bon, puis là, on se promène comme ça. Ça crée quoi? Ça crée une pensée qui est absolument disparate chez l'humain, qui est frivole. Ça crée la majorité du concept du problème où on dit on est faible, on est petit, on est pogné, on est ceci, on est cela. Quand on fait des conférences ou quand on fait un séminaire qui est un petit peu plus violent, eh bien on brise les morceaux de cire du morceau de miel. Et en brisant les morceaux de cire, ça permet à plusieurs contenants de miel de pouvoir se mêler. Et là, il y a de plus en plus de miel qui se relie. Ça fait quoi? Ça fait que la mémoire du musicien qui rencontre la mémoire du plombier, ça crée un musicien plombier. Ça va créer un plombier qui va jouer de la musique sur ses tuyaux. Bon, sauf que le musicien vient de disparaître, le plombier aussi vient de disparaître, mais nous, vous vous retrouvez un peu plus. Ben c'est là le problème. Il n'y a pas de problème. C'est que, essaye de trouver de l'ouvrage quand tu es un plombier, puis tu commences à jouer de la musique sur les morceaux de tuyaux. C'est que ça vient tellement mélanger quand tu es en train de te conscientiser, tout ces formes-là, c'est les alvéoles qui se défont et le miel qui coule ensemble, que tu es puni efficace en tant que plombier. T'es puni, effectivement. Tu n'es pas efficace en tant que plombier, puis tu n'es pas efficace en tant que musicien. Mais tu es efficace en tant qu'humain. En tant que plombier-musicien. Non, en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'être efficace en tant que plombier? Bon, on sait qu'à un moment donné, il faudra que l'humain se libère de la limitation matérielle. Donc, le fait qu'il plombie, ça peut lui ramener de l'argent, ça permet d'alimenter son corps physique, ça lui permet d'alimenter le corps physique de sa femme ou de son mari ou de ses enfants. Bon, ça lui permet de déplacer son corps physique sur la planète, il appelle ça voyager, bon, c'est correct, c'est bien. Sauf que c'est pas ça qui est le problème. Le problème n'est pas de savoir comment... Bon, la question évolutive, elle est pour l'humain, elle est celle-ci. Comment puis-je passer tout mon temps de vie pour que je m'en rende pas compte que j'ai vécu? Passer le temps. Oui. On appelle ça la distraction. C'est ce que l'humain recherche. Et là, parce que l'humain devrait passer à un autre point de vue où finalement l'argent va venir quand ça va être le temps, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas pour être plombier, l'argent va venir quand ça va être le temps. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'être humain passe son temps à replacer bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'à un moment donné, le musicien rejoint le plombier. Alors, pour que tu deviennes un plombier efficace ou pour que l'argent te tombe sur la tête, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu continues à démolir des murs de miel, de cire, pour que tout le miel s'unisse. Alors que la majorité des humains, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de réparer la cloison de cire qu'elle est faite. Et c'est pour ça que celui qui se conscientise vit un traumatisme qui, pour lui, va être un problème, alors que ça n'en est pas un, on s'en sort dedans, etc., on regarde ça, puis on attend. C'est qu'il commence à se retrouver, il est de plus en plus puissant, de plus en plus énergétique, mais il n'est pas de plus en plus efficace, pas encore. Sauf si l'ingénieur s'allie à l'homme d'affaires dans sa mémoire, bien, ça fait un ingénieur qui se lance en affaires. Alors là, il devient plus efficace. Puis parce que l'humain ne se contente jamais de ce qu'il est, il va dire, « Oui, mais regarde, lui commence à fusionner, puis il commence à faire de l'argent. Alors que moi, je commence à fusionner, puis je perds tout. » C'est que les parties qui se sont réunies dans ma personne sont des parties qui font que je m'en vais le rejoindre, mais je passe par un chemin différent. Alors que les premières parties qui lui se sont rejointes sont des parties qui lui permettent d'être plus efficaces. Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème là. Pourquoi? Parce qu'on doit considérer sa vie sur plusieurs centaines d'années. On ne doit pas considérer uniquement sa vie sur les quelques années où on va être plombier. Tu as déjà dit dans une conférence... Oublie ça. Réservée aux séminaristes. OK, on n'en parle plus. C'est du passé. On est dans ton exemple de plombier-musicien, d'ingénieur d'homme d'affaires, il reste encore des parties d'alvéoles qui ne sont pas défaites, qui ne sont pas dessouder pour former un tout qui serait tout le miel ensemble dans un bloc. Est-ce qu'il faut attendre que ça arrive ou est-ce que demain, on peut, ou aujourd'hui, tantôt, tout de suite, on peut provoquer que ça se fasse? Oui. On le fait souvent immédiatement, en plus. L'humain arrive à le faire régulièrement, souvent, tout de suite. La seule chose qu'il y a, c'est que l'ego ne peut pas en prendre conscience. L'ego n'en prenant pas conscience, l'ego ne s'en rappelle pas. L'ego ne se remplant pas, l'ego n'y croit pas. Et l'ego n'y croyant pas, ben, l'ego en entend parler un peu. L'ego va essayer de faire un concept de ce que ça devrait être, puis l'ego essaie de retrouver ça. Vous savez qu'il y a une grosse nuance entre être libre et vouloir être libre. Tant que vous voulez être libre, vous ne pouvez pas être libre. Et là, tu vas dire, oui, mais il y a un problème, parce que si tu décides, bon, ben, je ne veux plus être libre, est-ce que je suis libre? Non, parce que tu veux encore être libre. La preuve, c'est parce que tu veux être libre que tu décides de décider que tu ne veux plus être libre. Donc, tu veux toujours être libre. L'évolution de l'humain peut se faire, on approche de 1990, et en 90, ben, dans les années 90 à l'an 2000, il y a énormément d'humains qui vont rayonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur ego va arriver à un point tel où il va se sentir comme prêt à éclater. Cette impression d'éclatement pour commencer à se sentir mieux, à rayonner. Et ça va changer beaucoup de choses autour de lui. L'humain doit... On peut parler différemment. Pourquoi? Parce que l'intelligence supramentale qui descend et qui va toucher l'humain, qui commence à toucher l'humain depuis... Non, qui va commencer dans quelques jours, il y a une tendance au changement. Il y a beaucoup plus de choses qui vont être beaucoup plus rapidement applicables. Mais il y a des conditions qui ne sont pas des problèmes. Des conditions, l'une des premières conditions va être de l'appliquer. Et l'humain devra éliminer la fausse modestie. La fausse modestie, qu'est-ce que c'est? La fausse modestie, c'est lorsque l'on sent que l'on pourrait, puis qu'en même temps, on est convaincu qu'on se prend pour un autre, ou on est convaincu qu'on ne peut pas. Et comment va-t-on savoir que c'est le temps de l'appliquer? On va le savoir? Ça sera plus facile. Il faudra juste qu'on change énormément la façon dont on communique avec l'ego. Bon, j'ai dit souvent en conférence, je le répète plus souvent encore que ça au niveau du séminaire, c'est qu'on doit s'arranger pour programmer notre ego, pour que notre ego nous autorise à. Qu'est-ce que c'est nous autoriser à? On parle de fausse modestie. Moi, je peux guérir quelqu'un. Tout le monde peut le faire. Puis, évidemment, ils peuvent se guérir eux-mêmes. La problématique, c'est qu'il y a des cellules de mémoire qui peuvent m'instruire, que ça provienne de l'Atlantique, que ça provienne d'où tu voudras, qui peuvent m'instruire de quelle façon je peux, sans tout comprendre la mécanique, vous savez comment on digère. Quelqu'un va dire, non, moi je ne sais pas comment on digère. Bon, mais tu es capable de digérer. Ah oui, mais voilà, contente-toi de digérer, laisse faire le reste. Il y aura énormément de choses qui vont se faire, que l'humain peut appliquer, sauf qu'il y a des cellules qui me disent comment faire, et il y a des cellules qui n'ont jamais vu ça, une cellule de Thomas, par exemple, une cellule de médecin, hein, ça ne sera jamais vu faire ça non plus, mais pas tous, mais bon. J'ai des cellules, moi, qui vont commencer à lutter pour que je ne tende pas la main pour guérir, et qui vont faire que je ne peux pas. Si on apprend à changer notre point de vue, si on apprend à voir le monde et l'humain, soi-même, et on va en parler un peu plus, d'une autre façon. Ça va être beaucoup plus facile de traduire, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnages, les petits rayons dans ma structure de ruche, puissent m'autoriser ou puissent ne pas se rendre compte de ce que je fais. Quand je leur ai fait, l'expérience va venir détruire les particules qui les empêchaient de se mêler, parce qu'ils ne voulaient pas se mêler, et progressivement, très rapidement, l'humain va parvenir à une fusion de ce qu'il est lui. La majorité des personnes parlent de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur ego. Bon, on revient encore avec la ruche. Alors, il y a un paquet de petits rayons de miel. Et imaginez que chacun des rayons de miel est une personnalité qui s'est réincarnée. C'est ce que c'est aussi. Mais imaginez que chaque petit rayon de miel a son point de vue. Et c'est ce qui arrive. Donc, imaginez que la ruche au complet, c'est un œil. Imaginez que cet œil-là, en réalité, est constitué d'un paquet de petits yeux, comme les mouches. Imaginez que vous regardez le monde à travers cela, mais imaginez que vous n'avez pas encore de cerveau pour fusionner tout ce que les yeux voient. Alors, si l'œil est rond, ben, l'œil qui voit la pancarte sortie, Il va se dire, Kim, il y a une pancarte sortie, mais il n'y a pas de porte. L'œil qui est en dessous, il voit une porte, mais il ne sait pas que c'est la sortie, c'est pas indiqué. Mais... Comment tu fais pour fusionner tous ces yeux-là en même temps ou pour donner un système oculaire complet qui fasse en sorte que le cerveau décode ce que tu vois? Bon, alors au lieu de partir avec des explications très, très, très technologiques et intéressantes du point de vue de l'intellect sur comment on peut fusionner le rayon complet... Non, c'est en pratique, je voudrais savoir. Oui, c'est ça, mais en pratique, tout ce que tu as à faire, c'est de le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder les deux. Tout ce que tu as à faire, c'est de cesser d'avoir de fausses humilités. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître chez toi... la valeur de ton intuition autant que la valeur de ta mémoire, autant que la valeur de ton intellect, autant que la valeur de tes sens. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, tout le monde, faire beaucoup plus confiance, sans faire confiance, mais risquez-vous à ce que vous êtes. Et, bon, l'humain va dire, oui, mais les religieux ont souvent prétendu que c'était ça qu'il fallait faire. Je vais vous donner un exemple. L'ordre du temple, les templiers. C'est un ordre religieux. C'est des chevaliers qui, c'est des moines qui se sont armés pour préserver les pèlerins qui allaient se faire battre en Terre Sainte par les voleurs. Ils étaient religieux. Ils avaient l'idée qu'on devait être pauvre. En réalité, ils parlaient du détachement, mais le détachement, quand il est émotivisé par l'humain, ça fait comme pauvreté. On peut être extrêmement riche puis être détaché. Donc, si tu perds tout, tu ne perds rien. C'est pas à toi. Pas de problème. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces chevaliers, ils allaient au combat, et ils étaient souvent deux par cheval, pauvreté. Et ils avaient un bouclier où il y en avait une croix, c'était les chevaliers chrétiens, avec le cheval et les deux cavaliers dessus, symbole de la pauvreté. Mais ces chevaliers qui priaient régulièrement, donc dans l'ordre du temple, on avait ces moines chevaliers, lorsqu'ils arrivaient au combat, ils avaient qu'à présenter leur bouclier, à dire une parole, et les cavaliers ennemis tombaient à terre. Les chevaux se levaient, les chevaux se délestaient des cavaliers. Lorsque l'être humain entend parler de cela, il y a des cordes souvent chez lui qui vibrent, comme s'il savait, ou comme s'il avait vécu, ou comme s'il reconnaissait. Comme si quelque chose s'était incarné chez lui d'un temps, d'un passé, où ce genre de magie existait. Ben, c'est magie, pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est aujourd'hui. On pourrait aussi bien appeler l'électricité de la magie. Ceux qui ont vécu à l'époque de Merlin, ceux qui ont vécu à l'époque des fées, ceux qui ont vécu à l'époque des lévitateurs, la majorité des personnes ont quelque chose chez eux, des cordes, qui leur font dire que le fantastique, c'est pas fantastique, mais c'est fantastique pour ceux qui n'ont jamais vu, que le fantastique existe, que le mystérieux existe, puis finalement on peut dire que le mirlifique existe. Le mirlifique, c'est quelque chose qui est à saveur très positive, à saveur très bénéfique, à saveur très alléchante, très nourrissante, très blanche, de quelque chose qui normalement fait peur aux humains. Lorsque l'individu vit cela, lorsque l'individu s'autorise, ça veut dire quoi s'autoriser? Ça veut dire qu'on doit non pas faire l'effort, puis c'est très simple en affaire, cesser de faire l'effort d'être ce que vous êtes. Parce qu'actuellement, on se force à être ce qu'on est. Oui, on se force à être autre chose que ce que nous sommes. On met combien d'efforts à défendre notre personnalité? Combien d'efforts à défendre notre image devant les autres? Combien d'efforts on va mettre à essayer de penser qu'on est quelqu'un? Combien d'efforts on met à vouloir être un adulte? Combien d'efforts on met à vouloir être respectable alors qu'il y en a moitié qui taillissent pareil? Combien d'efforts on met? L'humain, il dit, moi, je veux faire des efforts pour être moi-même. Mais ce être moi-même, c'est bien souvent, bon, qu'est-ce que vous voulez que je sois? Tu veux que je sois comme ça? OK, ça va être moi-même. Toi, tu veux que je sois? Ah, ça va être moi-même. Qu'est-ce que c'est? Il reconnaît que s'il était totalement ce qu'il est, sans fausse modestie, ça veut dire quoi, être ce que nous sommes? Ça veut dire permettre à tout ce qui nous habite de se fusionner pour qu'on cesse d'être toujours en lutte à l'intérieur de nous contre ce que je veux faire, puisqu'en même temps, je ne peux pas faire, puisque j'aimerais, puisque je ne suis pas sûr que, etc. Si on fusionne l'ego, et l'ego va fusionner simplement en comprenant avec des mots qui s'adressent à l'ego, de quelle façon il doit accepter d'ouvrir ses barrières. Parce que l'humain est toujours en train de travailler pour être ce qu'il est, ne sachant pas ce qu'il est, ben il passe son temps à travailler pour être ce que les autres lui ont dit qu'il était. Bon, les femmes. Une femme va dire, bon, mais moi je suis quand même une femme. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'il y a des hommes. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme? C'est sérieux, mon exemple. C'est qu'être une femme dans certains cas, c'est un problème. C'est jamais un problème. Ben, je suis allé dans certains pays, entre autres, où c'était un problème. C'est pas un problème. Je vivais un problème parce non. que c'était des femmes. Non. Ben, je suis allé en Chine l'année passée. Puis oui. Les femmes, quand ils viennent au monde, son bébé, ils se ramassent des sacs de poubelle. Si c'est un homme, t'es correct. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est de se ramasser un sac de poubelle. Tu en as interviewé un, là, un sac de poubelle? Non. Non. Je suis allé chercher un sac de poubelle. Sais-tu la quantité de spermatozoïdes qui se ramasse dans un Kleenex, qui se ramasse dans un bout de caoutchouc et qui se ramasse aux poubelles? Ben, c'est pas vrai. Combien de spermatozoïdes? C'est tous des enfants. Non, c'est pas vrai, c'est un instant. Tu sais, l'humain, il dit, ouais, il ne faut pas avorter. Un spermatozoïde avec une ovule qui se sont multipliés, c'est un enfant. Ça va garder en vie. Mais un spermatozoïde qui plein d'ovules, tous les mois, ça s'en va. C'est comme il y en a d'enfants potentiels de mozards qui n'ont jamais été fécondés, qui se ramassent dans les. Un peu partout. Alors, c'est une question de point de vue. C'est encore une question. Je dis à un moment donné, quand la loi va trancher, elle va dire, à partir de tel mois, c'est un être humain et la Charte des droits et libertés s'applique, c'est quand? C'est quand un juge ou quand un personnage va regarder des radiographies ou des photos de fœtus. Il va dire, yark, yark, yark. Ah, on dirait un être humain. C'est là que la vie commence. Regardez ce qui va se passer. Facteur émotif. Parce qu'avant, ben non, il ressemble à une grenouille, il ressemble à ci, c'est à la tête du carré, des gros yeux, tu sais, c'est. Bon. Mais c'est quoi un être humain? Un être humain, c'est une cellule qui, à un moment donné, se multiplie. Et puis ça fait un corps complexe. La femme, les femmes, il n'y a pas aucun problème. C'est aucun problème. Ah, non, il n'y a pas de problème. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'être humain, qui est investi d'un paquet de petits rayons de miel, qui est sa mémoire expérientielle, il essaie de. Au long de sa vie, de toute façon, il y a des morceaux qui vont se défaire. Ces morceaux qui vont se défaire là vont créer chez vous votre personnalité forte. Mais à l'intérieur, il y a toujours chez vous encore des parties qui vous disent c'est colérique, cesse de l'être. Puis toi, tu entends à peine ça. C'est à peine ça communique. Mais là, ce qui arrive, tu vas dire, bon, il faudrait peut-être que je défasse ce morceau de cire, puis ça se mélange. Mais la partie qui est colérique ne veut absolument pas entendre parler de l'autre. De paix. Oui, puis la partie qui est pacifique, elle a peur de devenir colérique. Mais vous êtes ce que vous êtes. Et comment l'être humain peut savoir ce qu'il est? J'ai déjà expliqué ça dans un PMC+, à un moment donné. Bon, une journée complète, c'est réservé au séminaire, au séminariste. Mais c'est facile. On n'a qu'à dessiner, à penser. Vous savez tous exactement comment vous aimeriez vivre. Et là, je ne parle pas de finances, je parle vous, là. Bon, on parle de souffrance émotive. On parle de problématiques, on parle de problèmes. Dans la vision d'humain, on parle de problèmes de la vie. On sait comment on aimerait. Celui qui se sent coupable, il dit pas, « Oui, mais moi, là, si mon fils serait jamais mort, je ne me sentirais pas coupable. » Bon, à un moment donné, on va aller faire une thérapie, on va lui dire que si ton fils est mort, c'est pas de ta faute. Alors, on peut régler des problèmes par l'intérieur. Et quand l'humain va... Si l'humain parvient, puis il y en a qui vont parvenir, autant que ce soit vous autres, si l'humain parvient, à un moment donné, à se sourire un peu plus à l'intérieur, plutôt que de toujours penser qu'il est laid. L'ego est un problème, l'ego est un imbécile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fusionné. Bon, et si on veut créer la fusion, ben on peut dire à l'humain, bon, toi, tu as des possibilités, mais tu es trop niaiseux de t'en servir. Bon, et moi, ça crée deux choses. Ou la personne, elle se dit, moi, je reviens plus vraiment là, une carte de niaiseuse. Ou ça va faire quelque chose qui va faire en sorte qu'en dedans, à un moment donné, ça va se libérer. Est-ce que ça fait... ça va faire craquer une cellule et que le miel va se mélanger? Ça fait craquer. Bon, quand on parlait du séminaire, les gens viennent, puis là, on en brise plusieurs, mais on ne brise pas tous les rayons non plus. Il faut que... La ruche ne s'effondre pas, hein. Il faut qu'on recrée un peu les morceaux, il faut qu'on mette des pattes. Sauf que, lorsque l'individu est capable, on s'assoit sur une chaise, hein, c'est préférable, ou sur une bûche, et puis on se demande qui nous sommes. Mais là, tu vas avoir un paquet de réponses. Ben oui, mais c'est tout ça qu'on est. Mais maintenant, il faut qu'on fusionne tout ça. Parvenez à être un personnage qui allie toutes vos réponses. L'humain va dire, oui, mais là, je vais faire comme du théâtre. Non. Tu vas faire du théâtre tant que les rayons ne seront pas brisés. Puis tu vas voir que tu ne pourras pas faire longtemps du théâtre, ça va bouger en dedans. Mais en dedans, ce qui bouge, c'est tes petits rayons de cire qui se défont. Puis l'humain va dire, oui, mais c'est angoissant. Mais c'est sûr, c'est angoissant pour chaque petite partie qui ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais jusqu'à date, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je suis encore de même. Oui, mais vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Puis si l'humain ne regarde pas, ne se compare pas à ce qu'il est par rapport à ce qu'il va être, mais à ce qu'il est par rapport à ce qu'il était, il n'y a aucun humain qui peut se trouver là. Il n'y en a pas. À moins qu'il soit réellement bien programmé à se trouver là, mais c'est parce qu'encore là, il ne regarde pas ce qu'il était, il regarde ce qu'il pense qu'il devrait être. Mais si on cesse, à un moment donné, de stéréotyper le phénomène, si on se dit, qu'est-ce qu'un homme nouveau, qu'est-ce qu'une femme nouvelle? Ben, une femme nouvelle et un homme nouveau, c'est quelqu'un qui ne souffrait pas. C'est plus simple. Plutôt que de dire, c'est quelqu'un qui a une fusion. Ben, c'est qui ne souffre pas. On est capable d'avoir un baromètre pour se trouver là-dedans. Chaque être humain a exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir être tout ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision de l'homme va faire qu'il n'aura plus besoin d'avoir cette vision émotive du problème parce qu'il n'y aura plus de problème, même pour celui qui a une vision émotive du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automobile vous fonce dedans et l'automobile va passer à côté. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de problème. Même ça, c'est à cause du fait que l'ego s'est fusionné. Oui. Celui qui conduit l'auto, l'autre bord, il ne sait pas que mon ego est fusionné. S'il vient à bout, venez me frapper face à face. Il va se tasser pareil. Ben, il n'y a pas le choix. Ben, comment t'expliques ça? Pourquoi? Parce que moi, ça m'étonne. Que celui qui s'en vienne... Mais pourquoi l'expliquer? Ben, pas besoin d'expliquer. Je voudrais comprendre. Pourquoi? Explique-moi les profs, on les comprend pareil. Pourquoi veux-tu le comprendre? C'est ça qui est le problème. Pourquoi veux-tu comprendre? L'humain, il veut comprendre, ben, il veut pas expliquer. Il y en a un dans la case de cire là, qui est sceptique à l'effet que celui qui est en face, il va... Il n'est pas un sceptique, il est sénile. C'est lui qui a le micro, là. Il n'y a pas mon micro, c'est quoi? Comment tu vas faire en sorte... Le rayonnement, comment tu vas faire en sorte, en fusionnant l'ego, d'affecter tout l'entourage? Parce que là, dans ce que tu dis là, c'est okay, pas... OK, si ça me tente, je vais en parler un peu plus loin. Mais juste, plus important encore. Arrange-toi que ça te tente. Arrange-toi pour que ça me tente. Plus la cire est vieille, plus elle est dure. Les mémoires qui datent d'un très lointain passé, transmises par la génétique, transmises par le processus réincarnationnel, sont des mémoires qui acceptent beaucoup plus le miracle. On a dans notre histoire des personnages qui ont apparemment eu des contacts avec les dieux. On en a qui ont vécu jusqu'à 900 ans. On a des personnages qui parlent d'extraterrestres. On a des personnages qui, à un moment donné, ont fait des guérisons. Tout le passé, dans toutes les ethnies, dans toutes les races, parle de miracle. On parle de l'Atlantide, on parle... on en a des choses. Mais plus les mémoires sont vieilles, plus difficile c'est pour l'ego de les libérer. Parce qu'il ne sait toujours pas ce qu'il va faire avec, parce qu'il ne les connaît plus. Tout ce qu'il a, c'est l'attrait de l'ésotérisme. Ce qu'il a, c'est l'attrait du merveilleux. Il a cet attrait. L'attrait de l'extraterrestre, l'attrait de la lévitation, l'attrait de la guérison. Il a l'attrait. C'est-à-dire qu'intuitivement, il continue à penser, à vivre, à vibrer, que ce genre de choses devrait se pouvoir, ou ça se peut, mais en même temps, parce qu'il ne sait pas comment trouver les choses, il recherche d'autres humains. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un guérisseur parce qu'il se dit, ce guérisseur-là va me guérir. Le guérisseur, il s'autorise à guérir. Pourquoi? Parce que les mémoires du guérisseur sont plus libérées que celles du bonhomme, du client qui vient voir. Plus nous allons démolir des parcelles de l'ego, plus nous allons rétrograder en termes d'expérience dans le passé. Mais plus nous rétrogradons, plus nous allons sentir cette fièvre et cette pression, parce que plus on se rapproche de la source même de l'intuition à l'intérieur de l'âme, plus en même temps le feu nous brûle. C'est-à-dire, plus on s'approche de la source qui émet ce qui nous force à évoluer, plus les parties qui ne la connaissent pas en ont peur, et plus ça devient brûlant pour nous de la trouver. La problématique, c'est qu'à l'instant où on commence à s'en rapprocher, on commence à poser des questions idiotes dans le genre « Pourquoi? » C'est-à-dire qu'on veut absolument donner une explication qui serait rationalisable ou émotivisable par chacune des parties. Je t'explique. Si une personne ici dans la salle ne fonctionne que par l'émotion, et je lui dis « Un jour, tu ne seras plus malade. » La personne qui fonctionne par l'émotion va dire « Ah, c'est bien. » Bien. Ah oui, avec l'amour, je vais être capable. Bon. L'intellectuel, lui, va dire, ah oui, non, un jour, je ne serai plus malade. C'est... Ou encore, il va dire, ben, explique-moi comment. Là, ce qui arrive, c'est que je dois prendre un processus qui fonctionne. C'est comme si je plante un grain de blé dans le sol, il va pousser une gerbe de blé. Et là, je dois expliquer à l'intellect comment ça va pousser. Je sais combien de temps je peux mettre pour lui expliquer comment ça va pousser. Mais c'est pas ça le pire. C'est pas de l'expliquer comment ça va pousser. C'est de l'expliquer pour qu'il le comprenne. Et l'autre intellect, il y a une autre structure d'association, il faudra que je lui explique différemment. Puis les motifs, c'est qu'il y a une structure différente, il faudra que je lui explique différemment. Alors ça crée un problème au niveau d'évolution, c'est que vous passez votre temps à essayer d'expliquer à des parties qui comprennent différemment des choses que vous êtes prêtes à appliquer. Donc il y a une partie de l'ego qui accepte ça tel quel, puis il y en a une autre partie qui se pose des questions. Il y a plusieurs parties qui l'acceptent, plusieurs parties qui ne comprennent pas, plusieurs parties qui veulent des explications. Mais pourquoi il y a des parties maintenant qui n'acceptent plus ce qu'on appelle les merveilleux ou ce qu'on appelle les miracles ou n'importe quoi, ou ce qui nous apparaît étrange aujourd'hui? Pourquoi il y a des parties qui n'acceptent plus ça si les anciennes parties, elles, l'ont vécu? À cause de ce que l'homme veut être. Dans une classe sociale intellectuelle, il y a des intellects qui sont corrects, mais disons une classe sociale intellectuelle bornée, c'est-à-dire que tout ce que l'on t'amène, tu ne peux y croire ou l'accepter que si ça rentre dans ce que tu sais déjà. Ça, c'est l'intellectuel borné. Et rien pour le neuf, pas de place pour le neuf. L'individu qui veut être quelque chose, si dans une société comme la nôtre, par exemple, le miraculeux, on laisse ça aux pauvres, eh bien, nécessairement, on va le rejeter. On va se faire un honneur de le rejeter. Et si on arrive à nourrir suffisamment, à remplir de miel le petit rayon où on refuse, bien la journée qu'on va avoir quelque chose de miraculeux, on risque de carrément sauter. Pourquoi? Parce que la partie qui est la plus consciente chez l'homme, et c'est ça qui est important, tout à l'heure j'ai expliqué qu'il y a des petites parties de cire qui se défaisaient, ça crée la conscience puissante, ça crée ce que l'humain est, disons, le plus fréquemment. Mais si c'est cette partie-là ici qui est totalement détruite à cause de quelque chose qu'il voit, l'être humain n'a plus de conscience coordonnée pour diriger son corps. Alors il y a donc des problèmes psychiatriques où s'il ne meurt pas. On doit donc faire attention quand on brise des formes et on doit s'adresser uniquement à l'individu. On doit briser des formes en fonction de ce qui, globalement, chez l'individu, peut avancer. Pourquoi il y a tant de misère? C'est pas des problèmes, c'est de la misère. C'est pareil, la misère n'est pas un problème. La misère, c'est les misérables. Pourquoi il y a tant de problèmes dans l'humain? Je ne parle pas juste dans l'expérience de l'humain ou dans l'expression de l'humain. Parce qu'un être humain qui passe sa vie à faire des grèves ou à défendre les grévistes ou à défendre des patrons, il ne se rend pas compte qu'il passe sa vie, là, lui, là. Bon. Il doit se servir des événements pour se libérer à l'intérieur de lui. Il doit parvenir à être bien. Bon, émotivement, on va dire heureux. Il doit parvenir à être heureux dans n'importe quelle circonstance. Il n'y aura pas de problème, il ne verra pas le problème. J'ai connu, moi, un vieux chinois qui, à un moment donné, et les intellects disent, mais c'est un stupide, ben, peut-être. J'ai connu un vieux chinois, moi, qui, à un moment donné, dormait dans sa maison, puis il y a un incendie qui s'est déclaré, et puis il est sorti à toute vitesse, et puis il s'est assis, puis il regardait tout ça brûler au complet, puis il faisait une grosse pagode, puis il y avait un magasin à côté qui était à lui, un commerçant, et puis, ça faisait plusieurs années, d'ailleurs, qu'il travaillait toujours là-dedans, et puis tout brûlé. Et tout ce qu'il trouvait à dire, c'est, enfin, je peux voir la lune. L'intellectuel va dire, il faut tu être cash. Ben oui. Mais quand il y a eu des craques boursiers, les intellectuels, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés en bas des ponts. Bon, en bas des édifices. C'est pour ça que maintenant, les hôtels, les fenêtres ne s'ouvrent plus. Pour éviter ce genre de choses. Lequel des deux est le mieux? Bon, le commerçant en question, le chinois, lui, quelques années après, ben, il avait un autre commerce. Et puis, il continuait. Et là, ça veut dire, ouais, mais là, il voyait toujours plus la lune. Ben, effectivement, hein, on évolue comme on peut. Fait que peu importe ce qu'il aurait vécu entre-temps, il aurait eu quand même son nouveau magasin. Ben, ça change rien. Il y a tellement de choses, puis en plus, l'humain ne sait tellement pas ce qui lui va lui arriver. Même quand je le dis, parce que la majorité des personnes qui se conscientisent présentement, vu qu'on est dans une société suffisamment technologique, ils ont besoin de preuves et de punch énergétiques pour que l'intellect accepte de reconnaître l'intuition, l'intelligence supramentale. Quelque chose qui vous amène du neuf sans que vous ayez eu à l'apprendre. Pour ça, il faut qu'on tape assez raide, c'est-à-dire qu'il faut que je dise. Mettons, je dis, l'intelligence supramentale, ça existe. Alors, les intellectuels, pas les mentaux, les intellectuels vont dire, oh non, pour que j'ai une intelligence supramentale, si on est capable de... Là, il faut que je donne des preuves. Alors, je peux donner des preuves comme Albert Einstein, comme Louis Pasteur, ou encore comme les Indiens qui se servent de médicaments, alors qu'ils n'ont jamais appris, l'intuition les a guidés. Et quand j'ai donné suffisamment de ce genre de choses, l'intellect, il se dit, Ça a de l'allure. Là, l'intellect pose la question, comment on arrive à ça? Là, il faut que je dise, cesse d'être intellectuel. Mais c'est des processus qui sont longs. Mais le comment on arrive à ça est posé par l'ego, la question. Posé par l'ego intellectuel. Bon, mais t'as l'ego là, qui veut... c'est-à-dire que t'écoutes, l'ego t'écoute parler, puis se dit, il faut que je fusionne mon ego. Non, l'ego va fusionner. Que je me fusionne. C'est l'ego qui se parle quand il dit ça. Oui, mais moi, je ne m'adresse pas à l'ego en genre au complet. Je m'adresse uniquement aux parcelles chez l'humain qui est capable de comprendre ce que je dis. Je ne m'adresse pas aux parcelles de l'humain parce qu'il ne veut pas comprendre. Exactement comme une personne peut dire, ben moi, je vais voir tel genre de film, je ne crois pas à ça, mais ça me plaît. La première fois que j'ai vu le film Superman, j'étais là, je me suis dit, bon, il exagère en crime, mais j'adore parce que tant qu'exagérer, ben ils ont exagéré. Ils n'ont pas essayé de cacher l'exagération. Quand il y a un hélicoptère qui vient pour tomber, ben il apprend, il tient d'une main, puis il tient la fille de l'autre, puis il monte ça en haut, puis il met ça sur le toit. C'est pas en forçant à bien mettre ça là. Bon, liberté totale, on ramasse ça là, on met ça là, on ramasse un bateau par en dessous, on le fait tourner sur le bout du doigt, puis on le dépose devant le poste de police. Il y a des fibres chez l'humain. Pourquoi ça a tant fonctionné, ce film-là? Pas les enfants qui vont voir ça. Non, les enfants, ils vont aussi. Pourquoi ça fonctionne? C'est que là, on dit à l'intellect, c'est une farce. Alors l'intellect, il dit plus, ouais, oh non, ça n'a pas d'allure, l'intellect, il va se coucher. Il y a tout ce qui est caché à l'intérieur qui sait que cela devrait se faire. Comme je le dis souvent, vous avez juste à prendre une graine, la planter à terre, vous en faites un arbre, mais ça ne se peut pas. On peut décrire, on est habitué à le voir, mais c'est aussi impossible que de prendre un hélicoptère avec un doigt et le mettre sur un toit. Ça ne se peut pas non plus. Donc, tout ce qui ne se peut pas et qu'on est habitué, l'intellect s'en vante. Oui, non, c'est bien sûr que quand tu fais passer des électrons dans un fil de métal, pourquoi il passe? Ah ben c'est à cause que l'électron circule, puis il pousse, puis bon, pourquoi il fait ça? Ben, parce que c'est comme ça. Ça, l'intellect le prend. Et aucun problème. Pourquoi l'eau déshydrate? Là, dis-moi pas parce que déshydrater, c'est hydraté, ça n'a pas à l'eau, non. Pourquoi, par exemple, je prends le verre d'eau, je fais attention ici, ouais, je fais couler l'eau sur le verre, l'eau devrait tomber directement à terre, et regarde l'affaire de la salope, elle coule de l'autre verre. Pourquoi l'eau ne tombe pas directement à terre, pourquoi elle suit le verre? Pourquoi? Parce que l'eau est polarisée, il y a de l'électricité dedans, et l'eau est attirée par l'électricité, elle coule le long du verre, et après ça, quand il n'y a plus rien, elle est attirée par la gravité. Et là, on peut décrire ce qui se passe. Mais moi, je suis le petit enfant téflon niaiseux, je dis, pourquoi ça se passe? Il n'y a pas un intellect qui peut répondre. Il n'y a pas un savant qui peut répondre. Mais il accepte parce qu'ils l'ont vu souvent. Superman, on a des petites corps à l'intérieur au niveau de l'astral, des rayons de ça, qui, quand ils vont là, l'intellect parti se nourrissent de quelque chose qui intuitivement savent que ça devrait être. Bon. Si ça surtout font... les hommes. Les hommes, là, les yeux rayons X, là, ça... J'aime bien ça, oui. Voilà, ah ouais, à travers le linge du monde. Mais si ça fonctionne au moment où tu regardes un film, et puis que, comme tu dis, au début du film, disons qu'ils ont marqué en gros, là, c'est une farce, on envoie coucher l'intellect, est-ce qu'on pourrait pas appliquer ça dans la vie de tous les jours, puis envoyer coucher l'intellect le matin en se levant, puis le laisser coucher toute la journée? C'est-à-dire, accepter tout comme étant avec les yeux d'enfant. Ou, pas avec les yeux d'enfant! Avec les yeux neufs. Dans avec nos yeux. Avec nos yeux. Pourquoi, par exemple, bon, il y a eu un bonhomme qui a écrit un petit livre bien niaiseux, bien niaiseux, un livre quétaine, bien mince. Il est allé voir 73 éditeurs aux États-Unis, puis on lui a dit, ben oui, oh non, c'est le monde aujourd'hui, il y a peut-être autre chose que ça. Il y a un petit éditeur qui se lançait, qui a accepté. Ils ont édité le livre, puis quelques mois après, ils l'ont recommencé à coût de 100 000 exemplaires, puis finalement, ils en ont fait un film. C'était une histoire d'un goéland niaiseux, un oiseau, c'est une histoire d'oiseau, puis qui était différent des autres, puis finalement il a été rejeté, puis bon, il s'appelait Jonathan Livingston. Y a-tu quelque chose de plus quétaine qu'une histoire d'oiseau, hein, au 20e siècle? On achète un livre, nous autres, les adultes, on le rachète après, puis on le prête, on se le fait voler, on le rachète encore, Jonathan Livingston. Puis quand tu as lu le livre au complet, tu vas même t'asseoir devant une salle de cinéma pour le voir. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a tellement de cordes à l'intérieur qui sont prêtes à vibrer, que ces cordes-là finissent par souffrir parce qu'ils sont toujours en confrontation avec tout le reste qu'on nous a inculqué par l'éducation, qui est bon, mais qui est mauvais tant que ça n'autorise pas le reste à s'exprimer en même temps. C'est ça qui fait l'humain. Si tu vois le film, tu dis « Ah, ouais, c'est brillant, c'est brillant. » Il y en a qui disaient « Voyons, dans un oiseau, ça ne parle pas. » sais, quand j'étais avec quelqu'un, j'étais avec quelqu'un, puis un imbécile là-bas, qui regardait le film, puis il voit les yeux des oiseaux qui parlent. Là, quelqu'un, il disait, non, mais c'est l'humain, ça. L'humain, c'est les gars là qui sont des tracteurs qui poussent la marde, là, puis... Bon, après ça, il y a des oiseaux tout blancs qui descendent du firmament, qui viennent chercher Jonathan, puis qui montent dans un autre monde, puis là, ils commencent à se téléporter, puis ils commencent à... Ben là, franchement... Pousser, mais pousser égal. Ça veut dire quoi, pousser égal? Pousser comme moi, je l'entends. Ça, pousser égal, pour lui. Ce bonhomme-là, il a tout ce qu'il faut pour vibrer. Il a tout ce qu'il faut pour se réveiller, pour se réchauffer, puis pour se fusionner dans l'ego, pour par la suite devenir immortel en fusionnant son double éthérique. La problématique, c'est qu'il rejette tout parce que ça le fait souffrir. Et là, tu dis, c'est un problème. Je reviens encore là-dessus. Le problème, c'est pas que vous êtes malade. Le problème, c'est que vous refusez d'être en santé. C'est autre chose. Le problème, c'est pas qu'on est pauvre. Le problème, c'est qu'on refuse d'être riche. C'est autre chose. On va revenir de toute façon sur la façon de travailler avec des énergies qui nous habitent, qu'elles soient supramentales, mentales ou astrales, pour parvenir à contourner la majorité des schémas qui inhibent l'humain. Parce que comme je disais, on peut prendre un ciseau à foie puis taper, si c'est intéressant, ça fonctionne. On peut aussi travailler la valeur, la saveur énergétique de l'humain change. Il y a de plus en plus d'humains qui présentement sont fébriles. Bon, j'ai déjà dit que Saint-François nous avait donné un message. Il a fait un rot parce que l'estomac était plein, bon, il n'y a pas le choix. Ça fait un tremblement de terre. Ben oui. Mais l'humain est suffisamment prêt. Tout ce qu'il y a, c'est que on doit travailler chez soi d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher de l'information, on devra s'arranger maintenant pour aller chercher de l'énergie. Cette énergie peut être informative, elle peut être motivative, c'est-à-dire que si je vous donne de l'information pour qu'une partie de l'intellect comprenne que vous pouvez parvenir à certaines libérations, je vais instruire. Mais les parties de chez vous qui savent qu'elles pourraient être libres, elles, je vais les motiver. Et donc, on doit communiquer l'information supplémentaire, amener les choses neuves et développer un point de vue neuf qui est un point de vue globalisant, de façon à ce qu'on puisse nourrir l'intellect, nourrir les parties qui veulent sortir, finalement aller chercher toutes les fibres chez l'humain. Ça facilite énormément les choses. Pourquoi? Parce que ça fait que l'humain n'a presque plus à travailler. Tout ce que l'humain a à faire, c'est de s'arranger pour se plaire là où il est. Si l'humain se plaît là où il est, et quand je parle se plaire, c'est pas quand il se le dit, c'est quand il est bien. Si l'humain se plaît là où il est, il n'y a pas une seule fibre intellectuelle chez vous qui peut vous empêcher de continuer à avancer. Si l'humain se plaît là où il est, il n'y a pas une seule partie de l'émotivité ou de l'ego qui peut encore une fois vous empêcher d'avancer. Et ça, c'est quelque chose que l'humain doit développer. L'humain doit développer une conscience plus globalisée de ce qu'il est, de façon à ce qu'il n'ait plus toujours la problématique de prendre une partie de lui-même qui doit trouver une façon d'expliquer à l'autre partie. C'est pourquoi les gens viennent me voir souvent en conférence. Pour que moi j'explique, la personne elle vient me voir, elle dit « Hey, la réincarnation, là, je sais que ça existe, mais je comprends ça. » Fait que tu peux-tu lui expliquer? Alors moi j'expliquais la réincarnation, mais la personne qui était, la partie qui ne comprenait pas, elle dit « Ah, ça a peut-être l'allure. » Fait qu'elle est en bas, elle dit « Bon, je savais. » Mais il y a une autre partie qui dit « Oui, non, c'est niaiseux pareil, c'est la réincarnation. Quelle preuve qu'il y a? » Fait que là, les deux, ils disent « Hey, quelle preuve que tu as? » Mais c'est pas pour t'attaquer que je dis ça, là. Mais non, c'est évident, ils veulent que je le dise à l'autre. C'est l'autre qui pose la question, fait preuve que t'as. Lui, c'est malus pour attaquer. Si celui qui attaque dit quelle preuve que t'as, ça n'a même pas appelé ses réponses. Toutes les réponses sont fausses. Pour lui. Alors, dans ce temps-là, ben, l'humain doit changer un peu la vision. Il n'y a pas de problème, c'est évident. La problématique, simplement, il y a la problématique, moi, ouais. L'inhibition, c'est que vous, l'humain, passe la majorité de son temps à s'empêcher d'être ce qu'il est. Il faudrait juste s'autoriser à être tel quel. Ça, c'est le même trop à être tel quel. Là, tel quel, comme on est. Ça ne vaut même pas la peine de le dire. Sans changer. Il faut simplement être. OK. Alors, on va être en pause. C'est pas un problème, c'est une pause. Je rappelle aux intéressés que le prochain séminaire intensif de Daniel Kemp aura lieu le 28 et 29 octobre prochain. En fin de semaine. Fin de semaine qui s'en vient. C'est juste la prochaine session des Comanches débutera le 2 novembre prochain et aura lieu les jeudis soirs de 19h30 à 22h.